Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, branche d'Abelimpe avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un Ghanéen avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé par l'épiscopal Sœur Simone Pierre, pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, commencer la branche d'Abelimpe où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer, encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ses enseignements oints et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Sam. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. We give you the glory. Give you the honor, Lord. We ask your spirit to be here to help us hear the word. Help us to be blessed tonight. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We bless you and we thank you. Te bénissons, te remercions. And everyone say amen. Et tout le monde dit amen. Hallelujah. Tonight we want to look at we are still doing quiet time. Ce soir nous allons toujours continuer avec le quiet time. Hallelujah. Le temps de recueillement. Who doesn't know what is quiet time? Qui ne sait pas ce que c'est que le temps de recueillement? Who doesn't know quiet time? Qui ne sait pas? Hallelujah. Amen. Who has tried to have your quiet time this week? Who tried? Qui a essayé d'avoir son temps de recueillement cette semaine? A few of you. Peu d'entre vous seulement. Wow. Wow. So, my sharing is not necessary. Donc, the le partage n'est pas nécessaire. The word on quiet time is not necessary. Donc, le partage de la parole sur le temps de recueillement n'est pas it's nécessaire. It's not necessary? N'est pas nécessaire. I should stop it. Est-ce que je dois arrêter? Because you are not practicing it. Parce que vous ne pratiquez pas. James chapter 1. James. Jacques chapitre 1. James chapter 1. Jacques chapitre 1. Open your Bible, James chapter 1. Ouvre ta Bible dans Jacques chapitre 1. James chapter 1 verse 22. Verset 22. James chapter 1 verse 22. Jacques chapitre 1 verset 22. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own self. For if any man be a hearer of the word and not a doer, is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way and straight away forgetteth that manner, what manner of man he was. And whoever look into the perfect law of liberty and continue therein, he be not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Jacques chapitre 1 verset 22. Mettons en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a conservé celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans ses activités. Alléluia. Amen. So you are deceiving yourself. Donc vous trompez vous-même. If you don't put the word into, you don't do the word. Si vous ne pratiquez pas la parole. Alléluia. Amen. You are deceiving yourself. Vous trompez vous-même. And you will not be blessed. Et vous ne serez pas béni. Alléluia. Amen. Because in verse 25, it said, this man shall be blessed in his deed. Et parce que dans le verset 25, la Bible dit que celui-là sera heureux dans son activité. Hallelujah. So you see that the word of God will bring you joy. Vous voyez que la parole de Dieu va vous amener la joie. Hallelujah. It will make you happy. Ça va vous rendre heureux. And you will be blessed. Et vous serez béni. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Do you understand what I'm saying? Comprenez-vous ce que je dis? Do you understand the verse that we just read? Comprenez-vous le verset qu'on vient de lire? Hallelujah. Amen. So, let's look at what we did with the 7 steps to effective quiet time. Donc, regardons ce que nous avons fait la dernière fois. Cette étape pour un quiet time effectif. Hallelujah. Quiet time is not fun. Pour un temps de recueillement. Hallelujah. Yeah. So, the first step, what did we say is the first step? La première étape, c'est quoi? On avait dit la dernière fois. Begin to pray. Pray to begin your quiet time. Prie pour commencer ton temps de recueillement. Hallelujah. Then we said, what is the prayer that you need to pray? Et on avait parlé de la prière que vous devez prier. What's the prayer? Exodus 34, verse 6 to 8. And what's another prayer that we talked about? Et quelle est l'autre prière dont on avait parlé? Psalm 119, verse 18. Hallelujah. These are the prayers that you need to pray. Ce sont les prières que vous devez prier. Hallelujah. These are the prayers. You worship prières. God. Vous adorez. And you ask him to open your eyes. Et vous lui demandez d'ouvrir vos and yeux. And to give you understanding. Et de vous donner la compréhension. I gave you another scripture in Ephesians chapter 1, verse 17 and 18, 19. Et j'ai aussi lu Ephésiens chapitre 1. He'll open your eyes. He'll give you revelation. Il va ouvrir vos yeux, vous donner la révélation. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Do you understand? Comprenez-vous? Yeah. So you start with that. Vous allez comment start ça? And you start with that. It's like God will come. Et vous allez vous dire que Dieu viendra. And meet you. Il va vous rencontrer. You and him. Lui et vous. Alone. Seul. One on one. Non. Hallelujah. Amen. One on one is on. Seul à seul. Hallelujah. One on one with God. Seul à seul avec Dieu. Can you believe that God comes? Then you and God. Pouvez-vous croire que Dieu vient? Only you and God. Et seul, toi seul avec Dieu. Can you believe it? Pouvez-vous le croire? Is it not marvelous? Ce n'est pas merveilleux. That you. Toi, when you decide to have your quiet time, quand tu décides d'avoir ton temps de méditation, et Dieu vient avec toi. And that's what we don't do. Et c'est ce que nous ne faisons pas. God wants to meet us, but we are not there. Dieu veut nous rencontrer, mais nous ne sommes pas là. Wow. Wow. Because when you look Exodus chapter 34, parce que lorsque nous regardons Exode, parce que God passed before him and proclaimed before. When you read the verse. Verse first verse of some Exodus 34. God told Moses to come. Dieu a demandé à Moïse de venir. To come to the mountain. De venir à la montagne. Alone. Seul. Nobody should come there. Personne d'autre ne devait Even venir là. Even animals. Même les animaux. Should not be there. Ne devrait pas être là-bas. Hallelujah. Amen. And God met him. Et Dieu l'a rencontré. Alone. Seul. Wow. Wow. And the Bible said that when Moses returned back to the people. Et la Bible dit que lorsque Moïse est reparti vers les gens, he had changed. Il avait changé. They saw a glory. Ils ont vu la gloire. The glory of God upon him. La gloire de Dieu sur lui. Because he has been in the presence of God for a while. Il a été dans la présence de Dieu pendant un moment. Wow. Wow. And that's what we are looking for. Et c'est ce que nous voulons, ce que nous cherchons. But we are looking for it somewhere else. Mais nous cherchons ça quelque part d'autre. And forgetting the main source, the main giver of glory and blessing. Et nous oublions la source principale de la bénédiction et la gloire. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Êtes-vous là? And the second thing we said was what? La deuxième chose dont nous avons parlé, c'était? Read a passage from the Bible. Lire un passage de la Bible. Hallelujah. Amen. You choose a book in the Bible. Vous pouvez choisir un livre de la Bible. You choose a passage. Vous choisir un passage. You choose a verse or two. Vous pouvez choisir un verset ou deux. Hallelujah. Amen. A verse or two. Un verset ou deux. To do your quiet time. Pour faire votre temps de recueillement. And the third thing is what? La troisième chose c'est. You meditate. C'est méditer. The Bible says you should consider. La Bible dit de pouvoir penser Don't profondément. Don't just read it. Ne lisez pas simplement. Look at it carefully. Regardez-le avec attention et méditez dessus. And think about it. Et méditez là-dessus. Hallelujah. Amen. Amen. Consider carefully. Pensez profondément. Hallelujah. And we said, what do you do to meditate? Et on a dit qu'est-ce qu'on doit faire pour méditer? You read slowly. Vous lisez lentement. You don't read a long passage. De pas lire un long passage. You think about the words in the passage. Vous pensez aux mots dans le passage. Hallelujah. Amen. You look for meanings. Vous cherchez la définition des mots. You can look for scriptures that talks about the same thing. Vous pouvez chercher d'autres versets qui parlent de la même chose. Hallelujah. Amen. And you start to ask yourself, the next point is what? To move into deeper Bible study or meditation. La prochaine étape, c'est d'entrer dans une méditation profonde. Amen. There are two parts of meditation. Il y a deux parties dans la méditation. The first one is to read slowly. La première, c'est de lire lentement. Hallelujah. Amen. Read again and again and again. Lire et relire, relire, relire, encore and relire. And look for words to understand. Et chercher les mots que vous ne comprenez pas. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. Look for the meanings. Chercher la définition. And all that. Et tout ça. Then you think about the scripture. Et ensuite, vous pensez aux Écritures. Amen. Yeah. Then you go to the second part of meditation is now to ask yourself questions. Et la deuxième partie de la méditation, c'est maintenant de te poser des questions. Hallelujah. Yeah, questions. What des does questions. It say? Qu'est-ce que ça veut dire? What does it say about God, the Father, the Son, and the Holy Spirit? Qu'est-ce que ça dit à propos de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Are there promises? Est-ce qu'il y a des promesses? Are there commandments? Est-ce qu'il y a un commandement that you need to obey? Qu'on doit obéir? Are there warnings that you need to avoid? Est-ce que the warnings? Est-ce qu'il y a une interdiction? Hallelujah. On doit éviter. Are there promises that you need promesses? To? You need to are there promises? Hallelujah. Amen. That you need to take for yourself. Est-ce qu'il y a des promesses que tu dois prendre pour toi-même? Hallelujah. Because there are promises. Est-ce qu'il y a des promesses? Are there prayers? Est-ce qu'il y a des prières? Amen. Amen. Then you think about how can I apply this to my life? Et penser à comment je peux appliquer cela dans ma vie. How can I apply? Comment je peux l'appliquer? Because if you cannot apply, then it will not benefit you. Parce que si tu ne peux pas appliquer, ça veut dire que ça ne peut pas, tu ne peux pas bénéficier de ça. If you don't put it to practice, James chapter 1 verse 22, then you won't be blessed. Jacques chapitre 1 verset 22. Si vous ne pouvez pas mettre la parole en pratique, vous ne pouvez pas être béni. So it's just an academic exercise that you do. C'est juste un exercice académique que vous faites. And that will not benefit you much. Ça ne va pas vous, vous n'avez pas bénéficié de ça. Alléluia. Are you here? Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Then write down what the Bible God told you. Et écrivez ce que Dieu vous dit. That's the next step. C'est la prochaine étape. And then pray to end. Et priez pour finir. Pray about what God told you. Priez à propos de ce que Dieu va te dire. Can we do it? Pouvons-nous le faire? It's so important that I don't know what I can say to be able to understand how important it is for you. C'est tellement important que je ne sais pas quoi dire afin que vous puissiez comprendre comment c'est important pour vous. Hallelujah. Are you here? Yeah. So important. Donc c'est important. It's so important. C'est trop important. A Christian, that's one of your first activities. Pour un chrétien, ça doit être l'une de vos premières activités. First activity, something that you should be doing all the time. Quelque chose que vous devez faire tout le temps. Régulièrement. Hallelujah. Amen. It's like eating every day you eat. C'est comme manger. Tous les jours vous mangez. True or not true? Vrai ou pas vrai? Yeah, every day you eat. Tous les jours vous mangez. So it's out of order. Donc c'est out of place. Out of place. Out of order. It's strange. C'est étrange. Yeah, it's strange when you don't do your quiet time. C'est étrange quand vous ne faites pas votre temps de recueillement. Hallelujah. It's strange. C'est étrange. If you haven't done your quiet time today, it's strange. Si vous n'avez pas fait votre temps de recueillement, c'est bizarre. If all the whole week you haven't done your quiet time, it's strange. Si toute la semaine vous n'avez pas médité, c'est étrange. It's like you're dying. C'est comme si vous êtes en train de mourir. You haven't eaten for 7 days. C'est comme si vous n'avez pas mangé pendant 7 jours. Yeah, that's what it means. Qu'est-ce que ça veut dire? Your spirit is weak. Ton esprit est faible. Because your spirit doesn't have food to eat. Parce que ton esprit a besoin de la nourriture you pour don't manger. Feed your spirit. Tu ne nourris pas ton esprit. Your spirit is weak. Donc ton esprit est faible. Wow. Wow. Do you see how it is? Vous voyez comment c'est? Do you see what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Do you understand it? Est-ce que vous comprenez? But you're looking at me. The way you're looking at me. Maintenant vous me regardez. As if you don't understand. Comme si vous ne comprenez pas. Yeah. Anytime I ask, do you understand? It's because the way you're looking at me, as if you don't understand. Chaque fois que je vous demande, est-ce que vous comprenez? Parce que la manière dont vous me regardez, c'est comme si vous ne comprenez pas. That's why I ask, do you understand? Pourquoi je demande, est-ce because que vous comprenez? I see, it's like you don't understand. Parce que quand je vois, c'est quand vous ne comprenez pas. Yeah. Okay. So tonight, we want to take a verse. Donc ce soir, nous voulons prendre un verset. and look for and do our quiet time. Et chercher à faire notre temps de recueillement. You say, why, but when you go home, you don't do it. Vous dites, ouais, mais quand vous partez à la maison, vous ne faites pas. Yeah, you don't do it. Vous ne faites pas. You say you are blessed, but you don't do it. Vous dites que vous êtes béni, mais vous ne pratiquez pas. Hein? Are you here? Êtes-vous là? Yeah. So. Donc. James chapter 1. Jacques chapitre 1. Verse 22. Verset 22. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if anyone be a doer of the word, and not a hearer of the word, and not a doer, is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whosoever looked into the perfect law of liberty, continued therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Hallelujah. Amen. Wow. We want to do a quiet time on this. Donc nous voulons faire notre temps de recueillement sur ce verset. Can we do it? Pouvons-nous le faire? But the translation will not help us. The translation will not help us. Mais okay, let me just do we just try something. Donc, nous allons juste essayer quelque chose. Hallelujah. We just take verse 22. Nous allons juste prendre le verset 22. But, be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter. Hallelujah. Amen. You see the but. You see the but. Vous voyez le mais? Yeah, it means that there's something before. Ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Because he has said something before, that's why there's a but. Il a dit quelque chose avant, voilà pourquoi il a dit mais. So let's read verse 21. Donc lisons le verset 21. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul. Jacques 1 verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Hallelujah. Amen. So you see already. Donc vous voyez déjà. But it means I said something before. Mais ça veut dire qu'il a dit quelque chose avant. Hallelujah. Amen. So he said, lay aside all filthiness and superfluity of naughtiness. Donc il dit, rejetant toute souillure et tout excès de malice. And receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. So that is telling us that to receive the word. Donc, il nous demande de recevoir la parole. You receive the word now, but then verse 22 said that we do the word. Il nous demande de recevoir la parole, mais le verset 22 demande de pratiquer la parole. Hallelujah. Amen. Yeah, but we are not talking about verse 21. We're talking about verse 22. Donc, nous ne parlons pas du verset 21, mais plutôt du verset 22. It can help us. Verse 21 can help us. Mais le verset 21 peut nous aider. Hallelujah. Already we have an idea that we need to receive it with meekness. Donc, déjà, nous pouvons avoir une idée que nous devons recevoir avec douceur. Hallelujah. And put aside two things. Et rejeter toute souillure. Hallelujah. Two things. Deux choses. Filthiness. La souillure. and superfluity of naughtiness. Et l'excès de malice. Hallelujah. Amen. Yeah, what is that? Donc qu'est-ce que c'est? Filthiness. La souillure. What is filthiness? Qu'est-ce que c'est que la souillure? So you see that already you need a dictionary. Donc vous voyez déjà que vous avez besoin de dictionnaire. True or not true? Vrai ou pas vrai? Yeah, you need a dictionary. Vous avez besoin d'un dictionnaire. What's filthiness? Qu'est-ce que c'est que la souillure? So you go to dictionary. Donc vous allez dans le dictionnaire. Hallelujah. Do you have a dictionary there? Avez-vous un dictionnaire? Yeah. Disgusting, dirty. Obscene. Offensive. Hallelujah. Amen. Bad-tempered, aggressive, very unpleasant. That's filthiness in my dictionary. Wow. Do you have it in French? You see that French, you don't? Yes, okay, let me see what I can get French here. French? No, I don't have French here. Oh. I have it. Hallelujah. I don't have French. You have some. Okay. Look, souillure, tache, saleté. Yeah. Okay, continue. It's finished. Souillure quelque chose. So see, anything that makes you dirty. Donc toute chose qui vous salit. Hallelujah. What are the things that can make you dirty? Donc quelles sont les choses qui peuvent vous salir? What? Sin. Le péché. Yeah, sin. Anything that makes you dirty. Donc le péché peut vous rendre sale. Unpleasant. Les choses, les mauvaises choses. Amen. Yeah, it means that if you have sin, donc ça veut dire que si vous avez des péchés, you will not be able to receive the word with meekness. Donc vous n'allez pas être capable de recevoir la parole avec douceur. So he said, lay aside. Il a dit rejeter. Lay aside. Rejeter. Lay aside. Rejeter. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah, but then look at verse 22. But be doers of the word and donc, not hearers only, donc, deceiving your own self. Donc, regardez au verset 22, dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. So, what we need to do is just to pray first. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'abord de prier. Open my eyes. Seigneur, ouvre mes yeux. Give me a spirit of wisdom. Donne-moi un esprit de sagesse. A spirit of understanding. Un esprit de compréhension. Holy Spirit, come. Oh, Saint-Esprit, viens. Be here with me. Viens être avec moi and ici. And help me. Et aide-moi. Hallelujah. Amen. Yeah, so now, donc maintenant, we have chosen the passage. Nous avons choisi un passage. We focus on one verse. Donc nous allons nous concentrer sur un seul verset. Hallelujah. Amen. We are going to look at the verse. Nous allons chercher les versets. Be doers. Soyez pratiquez la parole. Doers, doers. What does it mean do? Qu'est-ce que ça veut dire de pratiquer? Hallelujah. So let's look for doers. Cherchez pratiquer. Hallelujah. Amen. We are doing a quiet time. So be doers. The person who does something. A person who does something. Une personne qui fait quelque chose. Hallelujah. Yeah. Who does? The il word. Fait. So here it means the word. Ça veut dire, il pratique la parole. Hallelujah. The word of God. La parole de Dieu. Instruction from God. Les instructions de Dieu. Hallelujah. Are you here? Êtes-vous là? We are trying to understand the verse first. Nous essayons de comprendre le verset d'abord. We are doing the first part of meditation. Donc c'est la première partie de la méditation. Understand. Comprendre. What's the verse is saying? Qu'est-ce que le verset dit? What's the meaning of some of the words? Qu'est-ce la signification de certains mots? More understanding. Tu vas donner une grande compréhension. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, I'm just doing a bit not go deep, but just to give you an idea how you should do it. Donc je ne vais pas aller très profondément, mais juste vous donner une idée de comment ça se passe. Hallelujah. Amen. Do you understand it? Comprenez-vous? Yeah. The word. La parole. Instruction. Les instructions, commandements, les commandements, the law, la loi, hallelujah, amen, the preaching, la prédication, you receive the preaching, vous recevez la prédication, you receive instruction from the pastor, vous recevez les instructions de votre pasteur, hallelujah, amen. So we are talking about the Bible. Donc nous parlons de la All Bible. All things that God tells you, toutes les choses que Dieu vous dit, you should do it. Vous devez le faire. Hallelujah, amen. So do words of the person who does, donc, who put into practice. Donc un pratiquant, quelqu'un qui pratique, qui met en pratique. Amen. Amen. Yeah. So that's what we are looking at. Be doers of the word. Donc, mettez la parole en pratique. Okay. Okay. Not hearers only. Donc, ne vous bornez pas à l'écouter. We hear. Donc, nous écoutons. Hallelujah. Hear. Amen. Perceive with the ears. Hallelujah. Perceive with the ear the sound made by somebody. Okay. Be told or be informed of. Be aware of. You're not translating. Be aware of. Or you want to do yours in French, okay? Be aware of. Know of the existence of. Donc connaître l'existence de. Be contacted by somebody. Être contacté par quelqu'un. Okay. Listen and pay attention. Écoutez et faire attention. Listen to all that somebody has to say. Écoutez tout ce qu'une personne a à dire. Hallelujah. Amen. Listen to. Écoutez. And judge. Et juger. Listen to. Écoutez. Hallelujah. Amen. Yeah, so all this thing, give me another, it opens my mind to other meanings of hearers. Donc tout ceci, ça ouvre mon intelligence à beaucoup d'autres définitions. Have you found that meaning in French? Yes. So can you read, if you have some, can you read it? Écoutez, faire attention, prêter l'oreille pour entendre. Prêter l'oreille, prêter attention avec plus ou moins de bienveillance. Donner quelques croyances, quelques consentements à ce qu'une personne propose. Prendre plaisir à entendre. Hallelujah. Have you seen? If you read the verse, just leave the verse, leave it. You have a shallow understanding of the verse. Shallow. Donc si vous lisez juste le verset sans dictionnaire, vous allez juste avoir une incompréhension superficielle. Yeah, shallow. Superficielle. But as you look for the meaning of the word, alors que vous regardez la définition des mots, deeper. Vous allez profondément. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. Deeper. Profondément. And you, so when you move, when you begin to talk to people. Et quand vous allez parler aux gens. If I begin to talk to all of you. Donc si vous commencez à vous parler un à un. You see that some people are deep, some people are shallow. Donc vous allez voir qu'il y a des gens qui sont profonds, des gens qui sont juste superficiels. Very shallow. Très superficiels. Yeah. Most of the time when I talked about people, somebody brings an issue and begin to talk to the person. Donc souvent quand quelqu'un amène un certain problème et je commence à parler avec la personne. A situation in the person's life. Concernant une situation dans la vie de la personne. Yeah, most people are shallow. They don't understand what's going on. La plupart des personnes sont superficielles, ne comprennent pas ce qui se passe. And they begin to talk, they have another understanding. Et d'autres personnes ont une autre compréhension. What will never help them solve the problem. Qui ne va jamais les aider à résoudre le problème. Hallelujah. Amen. Yeah. You should be somebody who is deep. Vous devez être quelqu'un qui est profond. Hallelujah. Amen. Somebody who understands. Quelqu'un qui comprend. You understand what I'm saying? Comprenez-vous ce que je dis? Ne soyez pas superficiel. Understand. Comprenez. Understand. Comprenez. When it comes to finances, understand what is finance. What is money? Quand il s'agit des finances, comprenez qu'est-ce que c'est que l'argent? What is it? Qu'est-ce que c'est que l'argent? What is relationship? Qu'est-ce que c'est qu'une relation? What's... Quel est le but? Why should I be in? Pourquoi est-ce que je devais faire partie? Hallelujah. Amen. How would I know? We don't know. We just shallow. Nous ne comprenons pas. Okay, I feel. Nous sommes juste superficiels. Je ressens. You're in a relationship. Dans les relations. Shallow, you don't understand what you are doing. Les personnes superficielles, vous ne comprenez rien de tout ce que vous faites. Understand. Vous ne comprenez pas. People are shallow. They don't understand what they are doing. Les gens sont superficiels, ne comprennent pas ce qu'ils font. Yeah. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, like come to church. Comme quand vous venez à l'église. Don't be shallow about it. Ne soyez pas superficiel à propos de ça. Know why you are coming to church. Vous devez savoir pourquoi est-ce que vous venez. Why should I be here? Pourquoi est-ce que je dois y être? You see that nobody will come tell you come. Vous voyez que personne ne va vous dire venez. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, we are just on. It's calling me. Hearers. Nous sommes juste des écoutes. Hearing the way. Donc, écoutez la parole. So you say that not hear only. Donc, n'écoutez pas seulement. So only. What does it mean to be only? Le seulement, qu'est-ce que ça veut dire? Only. Are you here? Êtes-vous là? Only. Seulement. Oh. Only. He said, and no one or nothing more beside. No more than. Rien d'autre que. Okay, no longer a golden, not until, okay, with, there are a lot of meaning here, Il y a beaucoup de définitions. Yeah, so only, donc no seulement. Other, no, not, it's only one, donc, not only hearing, pas so seulement it's, écouter. It's between hear and do. Donc c'est entre écouter et faire. Hear and do. Écouter et so you say that don't only hear. Donc, n'écoutez pas seulement. Not only here. The only there is very important. Donc, seulement là, c'est très important. Because some of us, we just only we hear and then we are okay, then we go. Donc, certaines personnes, c'est juste écouter et puis partir. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Only. Then deceiving your own self. Deceiving. Vous trompant vous-même. What does it mean? Deceiving. Se tromper, qu'est-ce que ça veut dire? Wow. Wow. Are you learning something? Apprenez-vous quelque chose? To believe something that is not true. Croire quelque chose qui n'est pas vrai. Giving a mistaken impression. Donner une mauvaise impression. Fail to admit to oneself that something is true. Donc se convaincre que quelque chose est vrai. Hallelujah. Amen. Be sexually unfaithful to one's regular partner. Être sexuellement infidèle à un partenaire. Deceive, you know. Tromper. Oh. Deceive it, oh. Tromper. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, the meaning of deceiving. Êtes-vous là? You. We are laughing. Si vous ne connaissez pas tromper, je vous dis. He said to believe something that is not true. Croire quelque chose qui n'est pas vrai. To give a mistaken impression. Donner une fausse impression. Hallelujah. Amen. To fail to admit that something is true. Donc, refuser d'admettre que quelque chose est vrai. Be sexually unfaithful. Être sexuellement infidèle. To somebody. À quelqu'un. Wow. Wow. So that deceiving your own self. Okay, maybe French. You are French then. Vous allez vous tromper vous-même. En français. Abuser de la confiance de quelqu'un. Okay. Trahir, être infidèle à son mari, son épouse, son amant. Chose qui donne lieu à quelques erreurs, à quelques méprises. Décevoir, faire ou dire quelque chose de contraire à l'attente de quelqu'un, soit en bien, soit en mal. Soustraire sa lame à la parade adverse. Hallelujah. Have you seen? So if you have a good intentioner, you have a lot of meaning of those words. And it opens up your mind. Donc si vous avez un bon dictionnaire, vous allez avoir beaucoup de définitions de ces mots. To be just helping you to understand what you are doing. Donc le Saint-Esprit va juste vous aider à comprendre ce que vous faites et comprendre. Hallelujah. Are you here? Amen. Yeah, your own self. Donc vous-même. So as you. C'est toi-même. Not me. C'est toi. Not pas God. Moi. Pas Dieu. Hallelujah. Amen. Your own self. You are deceiving yourself. Vous trompez vous-même. You are deceiving yourself. If you don't do it, you are deceiving yourself. Donc, si vous faites pas, vous trompez vous-même. So what the Bible is saying that? Donc, la Bible dit que. With all this that we've done now, avec be ye doers of the word. Mettez la parole en pratique. And not hearers only. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Deceiving your own self. Vous trompez vous-même. Hallelujah. Amen. Do you have a little more understanding about this verse. Vous avez une petite compréhension de plus just par rapport à ce verset. Just by looking at the meaning of the verse, the words. En regardant la définition des mots. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. It gives you a different meaning, and you begin to think about the verse now. You begin to think about what's the word saying? What is it saying? Donc maintenant, vous allez chercher à comprendre qu'est-ce que les mots veulent dire. Hallelujah. Sometimes, if you want to understand it very well, look at the opposite. Donc souvent, si vous voulez comprendre ça vraiment très très bien, regardez le contraire. C'est be ye doers of the word, not hearers only, deceiving your own self. What is the opposite of that? Of that verse. Donc quel est le contraire de ce verset? Hein? C'est be ye not doers of the word, and hear only. Hallelujah. C'est be ye not doers of the word. Donc le verset dit. So ne pratiquez pas la parole. You know, that is just to help to understand it very well. Because some of the verses, if you look at the opposite, gives you more, it makes it very clearer to you. Donc ça, c'est juste pour vous aider à avoir une version très claire. Parce que souvent, quand vous regardez à l'opposé, ça vous aide à mieux comprendre. Hallelujah. Are you here? Yeah. So now, let's look at the meditation now. Donc maintenant, faisons la méditation. We look at the meanings of the word. We've read it slowly. Donc nous faisons we look at the meaning of some of the words. Donc, nous cherchons la définition de certains mots et nous lisons lentement. Hallelujah. Amen. We analyze some of the words. Et nous analysons some of the quelques parts. Mots, certaines parties. Can you do that at home? Bon, can you do it at home? Peux-tu le faire à la maison? Or else what I'm just wasting my time. Parce que je fais là, je perds juste mon temps. Hallelujah. Are you here? Yes. Yeah. So now, let's look at the other part of meditation. Donc maintenant, regardons l'autre côté de la méditation. What is the verse saying about God the Father, the Son, and the Holy Spirit? Donc qu'est-ce que le verset dit à propos de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Who can answer? Qui peut répondre? What's the verse saying about God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? Qu'est-ce que le verset dit à propos de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Okay, an answer. Qui peut répondre? What's the verse saying about God the Father? Qu'est-ce que le verset dit à propos de Dieu le Père? Somebody said nothing. Okay, what about you? What's the Holy Spirit telling you? Quelqu'un dit rien. Et vous? What's the Holy Spirit telling you? Maybe the Holy Spirit telling something. Is the verse talking about God the Father? Est-ce que le verset parle de Dieu le Père? God the Son. Dieu le Fils. God the Holy Spirit. Dieu le Saint-Esprit. Hein? Nobody. Personne. Okay, me, the Holy Spirit is taking me to John 1:1. Who can read John 1:1? Let's move on then to John 1:1. John 1:1. John 1:1. You see the word. Be doers of the word. The word there. Yeah. So you go to John 1:1. Donc, what's John 1:1? Okay, let me go there. On dit mettez en pratique la parole. Donc la parole ici m'emmène à Jean 1:1. John 1:1. John 1:1. In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. So, is it telling me something about God, the Father? Yeah. Donc, Jean 1:1 nous parle de Dieu, le Père. Jean 1:1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. So, if you have a good Bible, you say that it will make reference. Donc, si vous avez une bonne Bible, vous allez voir qu'elle va vous donner des références. Make reference to other verses. Des références vers d'autres versets. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. So God the Father. Donc God Dieu is le Père. Dieu est la parole. Is the Word. Il est la parole. Wow. Is it talking about something about the Son? Est-ce qu'il dit quelque chose à propos du Fils? Hallelujah. Amen. So already I will never forget. You see, if you do this, you won't forget James chapter 1 verse 22 and John 1:1 or John 1:2-3. See that it talks about the way. Donc, vous voyez déjà and the que... way became flesh and lived among us. In John 1. Donc, vous voyez déjà que si vous faites ça, vous n'allez pas oublier Jacques 1, verset 22 et aussi Jean 1:1, puisque peut-être au verset 5, on dit que Dieu est la parole et la parole s'est faite chair. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. You have a deeper understanding. It's going a bit deeper than somebody who hasn't done that. Donc, vous voyez que vous allez plus profondément que quelqu'un qui n'a pas fait. Hallelujah. Amen. What's the another question that we can ask? Donc, quelle est l'autre question que nous pouvons nous poser? Where are the questions? Où sont les questions? Is that what? Is there a promise to believe? Est-ce qu'il y a une promesse à croire? In this verse. Dans ce verset. Is there a promise? Est-ce qu'il y a une promesse? Is there a promise there? Est-ce qu'il y a une promesse ici? Be doers of the word, not hearers only, deceiving your own selves. Mettez la parole en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. There's no promise. Il n'y a pas de promesse. But there's an indirect promise in verse 25. Donc il y a une promesse indirecte dans le verset 25. Verse 25 means that if I'm doing the word, that part, then verse 25 will be accomplished in my life. Donc ça veut dire que si je pratique la parole, je serai heureux dans mes activités. Hallelujah. Always we read the verse before, we read the verse after. Donc c'est pourquoi on lit le verset avant. You are not isolating the verse out of the Bible. Donc c'est pourquoi on lit les versets avant et les versets après. Hallelujah. On n'est pas juste isolé le verset de la Bible. One of the principles of studying the Bible. Donc l'un des principes pour étudier la Bible. Or studying the word of the verses in the word in the Bible. Ou étudier les versets dans la Bible. Is that analyze the verse. C'est analyser. In relation to another verse. Analyser les versets en relation avec d'autres versets. Hallelujah. Amen. Are you here? That is very important. C'est très important. You analyze the verse, you study the verse in relation to other verses. Donc vous analysez les versets, vous étudiez les versets en relation avec d'autres versets. Or else you make an error. Sinon vous allez faire une erreur. Because there are some verses that will say, do this. Il y a des versets qui disent, faites ceci. If you take it out of the Bible, you make a mistake. Donc si vous prenez ce verset hors de la Bible, vous allez faire une erreur. Yeah. So if you analyze it in relation to other verses, it helps you. Donc analyser en relation avec d'autres versets, ça t'aide. To be in the way. D'être dans la parole. Hallelujah. Amen. And not to make an error. Et ne pas faire des erreurs. Do you understand what I'm saying? It looks like you don't understand. Comme si vous ne comprenez pas. Okay. So there's no promise. Okay, there's promise somewhere. Indirect promise. Another question. Donc, il y a une promesse. But is there a condition attached to it? Donc, est-ce qu'il y a une condition attachée à ça? Because every promise, there's a condition. Donc, à chaque promesse, il y a une condition. What's the condition? Quelle est la condition? Practice the word is to do the word. Pratiquer la parole, c'est... It's to do the word. That's the condition. If you do, then you get a blessing. Donc, you are blessed. La condition, c'est que si vous pratiquez la parole, vous aurez une bénédiction. Hallelujah. Amen. What's the next verse? Quel verset? The next question. Quelle est la question suivante? The next question. Is there any commandment in this verse? Be doers of the word, not hearers only, deceiving your own self. Est-ce qu'il y a un commandement dans ce verset? Mettez la parole en pratique. Yeah, actually the verse is a commandment. Et on voit bien que le verset est un commandement. Yeah, and a commandment is a commandment. Et un commandement, c'est un commandement. You don't negotiate. On ne négocie pas. You just obey. Vous obéissez. Do you know that? Vous obéissez. Yeah, when they command you, do this. Quand you don't ask faites-le. Questions. On pose pas de questions. Yeah, in the army, we don't ask questions. Dans l'armée, on ne pose pas de questions. After doing, what you doing, then you come and ask questions. Quand vous finissez de faire, après vous venez poser la question. Hallelujah. Amen. So it's a commandment that we need to obey. Donc c'est un commandement qu'on doit obéir. Obey. So it means a lot of us, we are disobeying God. Ça veut dire que la plupart d'entre nous, nous désobéissons Dieu. We've disobeyed God the whole week. Donc toute la semaine, nous avons désobéi à Dieu. The whole week, we have not done it. Toute la semaine, nous ne l'avons pas fait. We have not done it. Wow. The next question is what question? Donc la prochaine question c'est laquelle? Is there a good example here? Est-ce qu'il y a un bon exemple ici? Where's the example there? Quel est l'exemple? Yeah, I can't see an example here. Moi je ne vois pas d'exemple ici. Okay. The next question. Et la prochaine question. Is there a bad example? Est-ce qu'il y a un mauvais Where's exemple? Where's the bad example? Yeah, they gave. Yeah. Then it means that there's an example. He said, they are saying that, okay, in the verse 14, verse 15, verse 24, verse 25. Donc, verset 24, 25. They are talking about, they are comparing somebody who looks in the mirror. Donc, il compare avec quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Hallelujah. So, there's an example there, ou bien? Il y a un exemple là-bas, ou bien? An example there. Il y a un exemple. Which is not in the verse, but indirect example. Il n'est pas dans le verset, mais un exemple indirect. You look in the mirror. Regardez dans le miroir. You see that there's something wrong with your face. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de bizarre avec votre visage. Then you put down the mirror. Donc, vous mettez le miroir. Then you don't do anything. Et vous ne faites rien. You don't do anything about it. Then you are walking in town. Then you are happy. Donc, vous Everybody ne faites rien pour de cela. Et vous marchez dans la vie comme ça. What's wrong with this girl? Je dis, oh, qu'est-ce qui ne marche pas avec la fille là? Because everybody can see that there's something wrong with your face. Parce que tout le monde peut voir qu'il y a quelque chose de bizarre avec ton visage. Hallelujah. So, I think it's a good example. Hallelujah. Un bon exemple. Good and bad example. Un bon et un mauvais exemple. Hallelujah. Amen. So, we need to be the good example. Nous devons être un bon exemple. We look into the mirror. Nous regardons dans le miroir. Then we see that we need to make adjustments to our dress. Nous voyons que nous devons ajuster. Or our hair. Nos cheveux ou bien nos habits. Yeah, that's a good example. C'est un bon exemple. But we need to avoid the bad example. Nous devons éviter le mauvais exemple. We look into the mirror. Vous regardez dans le miroir. You've turned the dress. Donc vous allez tourner l'habit. And you don't do anything. You are walking in town. Et vous ne faites rien. Vous allez marcher juste dans la ville comme ça. Everybody say that, something is wrong. Donc, tout le monde se voit que oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hallelujah. So there's a good. The person who's a good example, there's a good example. Hallelujah. Then the next question is what? Dans la prochaine question, c'est laquelle? Is there a prayer here? Est-ce qu'il y a une prière ici? Where is it? Où est-elle? Where's the prayer? Où est la prière? I can't see. Je ne vois rien. I can't see a prayer. Je veux avoir une prière ici. Next question. If you see, let me know. Si vous voyez, dites-moi. The next question. Prochaine question. How can I apply this thing to my life? Comment pourrais-je appliquer ce verset dans ma vie? This is a question that you should never forget. C'est une question que vous ne devez jamais that oublier. You always ask yourself when you do your quiet time. Vous devez toujours vous poser cette question God, quand vous faites votre temps de recul. How can I apply it to my life now? Seigneur, comment je peux appliquer cela dans ma vie maintenant? Now. Maintenant. Now. Maintenant. How can I apply? Comment pourrais-je l'appliquer? Be the worst of the way, not careless, deceiving your own self. Donc, mettez la parole en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter, ne vous bornez pas à vos témoignages. De faux raisonnements. Comment pourrais-je appliquer? Alléluia. How can I apply? Comment pourrais-je l'appliquer? By doing. En le faisant. It's too vague. Who can tell me practically? Qui peut me dire pratiquement? Example. Un exemple pratique. Be is doers of the word, not hearers only. Mettez la parole en pratique. Be your own self. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par le faux raisonnement. So I need to do it. That's what you said. Donc j'ai besoin de le faire. C'est ce que tu disais. Practically, it's too vague. Pratiquement, c'est trop vaste. That one is. That's what we always say. It's too vague. Donc ça c'est trop vague. Quiet time, no, you have to practically. Nous devons le faire pratiquement. In your life now. Dans ta vie maintenant. In your situation. Dans ta situation. In your circumstances. Dans ta circonstance. What you do is different from what you will do. Ce que tu vas faire est différent de ce que l'autre va faire. What you do different from what you will do. Ce que tu vas faire est différent de ce qu'elle va faire. Yeah. So who can give me an example practically in your life? Donc qui peut me donner un exemple pratique dans ta vie? Put the word practically. Mets ta parole en pratique. Yeah. Practically. Pratiquement. Yeah. The word of God. The word of God. La parole de Dieu. So what word have you heard? Donc, quelle est la parole que vous avez écoutée? That you need in your life. There's something happening in your life that you need to practice it now. Et il y a quelque chose dans votre vie que vous devez pratiquer maintenant et tout de suite. Today I'm preaching, but it's like teaching and interacting. Aujourd'hui je prêche, mais c'est comme si j'enseigne. Pour appliquer ce verset, par exemple, qui dit de mettre en pratique la parole et ne pas l'aborder à l'écouter. Un exemple, on nous enseigne tous les jours sur Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses que vous recherchez vont vous être ajoutées. Donc, s'il faut que je mette ce verset en pratique, pas seulement écouter, par exemple, bon, ça s'est passé, je crois, aujourd'hui. Je devais aller rencontrer quelqu'un qui me devait de l'argent. Mais en même temps aussi, je devais aller en visitation. Je me suis dit, non, je m'en vais d'abord chercher l'argent parce que c'est urgent, je dois voyager autre. Maintenant, le verset est revenu dans ma tête. Que cherche premièrement le royaume et toutes les autres choses que tu cherches, ça va s'ajouter à toi. C'est-à-dire que, Donc, j'ai dit, ok, donc je vais d'abord aller en visitation. Et alors que je vais aller en visitation, ce que je cherchais, pour laquelle je voulais laisser la visitation, ça va s'ajouter à moi. Donc, après que j'ai terminé maintenant, la personne qui me devait l'argent m'a demandé de passer demain pour aller récupérer l'argent. Donc peut-être que si j'étais allé chercher l'argent, il allait me faire tourner en rond. Mais comme j'ai d'abord mis Dieu en premier, et puis c'est un peu ça quoi. Yeah. Alléluia. Amen. Yeah, so what is happening to your life now? Donc qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce that moment? That you need the word. Tu as besoin de la parole. You need to apply the word. Vous devez just la in her situation, that's what's happening. Donc, so if she has done the quiet time today, donc, si elle a fait le temps de recueillement aujourd'hui, so what is happening to my life now? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? And which word have I heard? Donc, quelle est la parole that I need to put into practice now? Dont j'ai besoin de pratiquer maintenant. So you begin to think of your life now. I need there's something happening to my life now, and I need the word of God to apply. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie en ce moment. J'ai besoin de la parole de Dieu pour appliquer. Are you here? But I say, be doers of the word. That's the whole word of God. That's the word of God in totality. Donc la Bible dit, mettez la parole en pratique. Ça c'est la parole de so Dieu. So which word do I need now to put into practice? Donc quelle est la parole dont j'ai besoin en ce moment afin de mettre en pratique? Yeah, maybe you need to forgive somebody. Peut-être que vous avez besoin de pardonner quelqu'un. So if you heard that, hey, I need to put that into practice now. Donc vous voyez voir que vous avez besoin de mettre ça en pratique. So tout how suite. Can I go and forgive the person now? Donc comment pourrais-je aller pardonner la personne tout de suite? Are you here? Yeah, so it's the word. Donc c'est la parole. So which word is you must put into practice in your life, in your situation now? Donc quelle est la parole que vous devez mettre en pratique dans votre situation? It's not like, tout oh no, they say, okay, I'm going to do the word of God. I'm going to put into practice. No, it's too vague. C'est pas comme, okay, je vais aller pratiquer la parole de Dieu. Non, c'est trop vague. No. That's not the answer to the question. Ce n'est pas la réponse à la question. The question is, how can I apply the word of God now into my life, in my situation? Donc la question c'est comment puis-je appliquer la parole de Dieu maintenant dans ma vie et dans ma situation? Are you here? Are you beginning to think about your situation? Est-ce que vous commencez à penser and à votre situation? Which word you need to apply to your life? Et quelle est la parole dont vous avez besoin pour appliquer dans votre vie tout de suite? You understand? Comprenez-vous? You understand? Comprenez-vous? You understand the question? Comprenez-vous la question? That's the most one of the most important questions you need to ask yourself. Ça c'est l'une des questions les plus importantes que vous devez vous poser. Because if you cannot apply the word, parce que si vous ne pouvez pas pratiquer la parole, then it means that you look into the mirror and you leave. Donc vous allez voir que vous allez regarder dans le miroir et vous allez juste laisser. You see that you haven't bathed, then you are going to town. Vous allez voir que vous n'êtes pas douché. You see that you haven't done your hair, then you are going to town. Vous n'avez pas peigné vos cheveux, mais vous êtes juste en train d'aller. The dress you are wearing, you are exposing your breasts, but you are going to town. Vous allez voir que ce que vous portez expose vos seins, mais vous allez juste. You saw it in the mirror, but you are walking. Donc tu l'as vu dans le miroir, mais tu marches juste comme ça. Yeah. So it's very, very important. Donc c'est très, très important. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Can you do it? Pouvez-vous le faire? Are you going to apply it? Allez-vous pratiquer la parole? Are you going to apply? Allez-vous pratiquer? Are you going to do your quiet time? Allez-vous faire votre temps de recueillement? This week. Cette semaine. Every day. Tous les jours. 20 minutes, 30 minutes. 20 minutes, 30 minutes. Can you do it? Pouvez-vous le faire? Will you do it? Allez-vous le faire? The yes are not confident. Les autres, vous n'êtes pas sûr. On Tuesday, yes was preaching. Donc mardi, yes prêchait. Hallelujah. And so we have 24 hours in a day. Donc elle a dit que nous avons 24 hours in a day for you. Donc nous avons 24 heures par jour pour toi. And God is asking for 30 minutes, 1 hour. Donc Dieu demande 1 heure, 30 minutes ou bien 1 heure. God who has given you life. Le Dieu qui t'a donné la vie. If you are here, it's because of him. Donc si vous êtes là, c'est à cause de lui. And he said, give me some minutes. Donc il vous dit, donnez-moi quelques minutes. A lot of us, we give 0 minutes. Et beaucoup d'entre nous donnons 0 minutes. Is it fair? Est-ce que c'est juste? I think that is not fair. Je crois que ce n'est pas juste. 24 hours multiplied by 60 minutes. Donc 24 heures multipliées par 60 minutes. How many? 1,440 minutes. Donc 1440. In a day. Dans la 1,440 minutes. Donc 1,440 minutes dans la journée. How many minutes do you give to Facebook? Donc combien de minutes tu donnes à Facebook? How many minutes do you give to WhatsApp? Combien de minutes tu donnes à WhatsApp? Hein? Wow. Wow. It's bad. C'est mauvais. That Christians don't do quiet time. Que les chrétiens ne méditent pas la parole. Yeah. And we are coming back. We are going to be doing quiet time. Et nous allons repartir. Nous allons faire notre we méditation. We are going to be doing quiet time. Nous allons faire notre méditation. From today. À partir de maintenant. We can open our Bible. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. One verse every day. Un verset chaque jour. One verse every day. Un verset chaque God jour. God will talk to you. Il va te parler. And tell you what to do. Et il va vous dire quoi faire. Alléluia. Amen. Amen. Amen. The Bible says that the word of God is a light unto my feet and a lamp into my path. La Bible dit que la parole de Dieu est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. As you do your quiet time. Alors que vous faites votre méditation. You see that you'll be increasing the light of God in your life. Vous allez voir que vous allez augmenter la lumière de Dieu dans votre vie. More light. Il y aura plus de lumière. More light. Plus de lumière. More understanding. Plus de compréhension. Yeah. So if you don't do your quiet time, you are less light. Donc si vous ne faites pas votre méditation, vous allez voir que vous êtes moins rapide. Vous allez marcher dans les ténèbres. A lot of things you don't know. Beaucoup de choses vous ne comprenez pas. God will not be leading you. Dieu ne va pas vous conduire. You are just walking. Vous êtes juste en train de marcher. Walking in light. Juste marcher moving dans la vie. Moving without light. Se déplacer sans lumière. And you'll be hitting yourself. Et vous allez vous faire mal. Hitting yourself, you just be going and then hitting. Donc vous allez juste partir, vous allez vous cogner. And your tibia will be paining. Et votre tibia va vous faire mal. Yeah, that's what's happening to a lot of us. Et c'est ce qui arrive à plusieurs d'entre nous. That's what there's sadness. C'est pourquoi il y a la douleur, la tristesse. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Yeah, that Sunday she was giving a testimony. Donc dimanche elle donnait un témoignage. Yeah, she, oh, something on telling you, go and give. Give. Take the envelope. Quelque chose en elle lui disait, take the envelope. Prends l'enveloppe. Hallelujah. Amen. She heard the word, take the envelope. Elle a écouté un mot, prends l'enveloppe. She wanted to put that into practice. Et elle a voulu le mettre en pratique. She didn't even have money. Elle n'avait pas l'argent. But she felt that, let me, I want to give something. Elle a senti que je dois donner quelque chose. And when she put the word of God into practice. Et quand elle a mis la parole de Dieu en pratique. She received joy. Elle a reçu la joie. But before she was in sadness. Et avant, elle était dans la tristesse. Sadness. Dans la tristesse. She didn't know what to do. Elle ne savait pas quoi faire. She was confused. Elle était confuse. But when she received the light came. Quand elle a reçu la lumière. I need to give. Et je dois donner. I need to give. Je dois donner. I need to give. Je dois donner. She received the light. Elle a reçu la lumière. She went to take the envelope. Et elle est partie prendre une envelope. Something happened. Et quelque chose s'est passé. And she had joy. A eu la joie. So if she didn't put the word of God in practice, donc si elle n'avait pas mis la parole de Dieu en pratique, today she will be here. She won't even come to church. Donc peut-être aujourd'hui elle ne va même pas venir à l'église. She will be sad. Elle devait être triste. I have a lot of debt. J'ai beaucoup de dettes. I owe a lot of people. Je dois beaucoup de personnes. They have not sent money to me. Ils n'ont pas, on m'a pas envoyé l'argent. I don't have money. Je n'ai pas l'argent. She will be crying. Elles sont en train de pleurer. Darkness. Donc les ténèbres. That's the darkness we are talking about. Ça c'est les ténèbres dont on parle. Darkness. Les ténèbres. And you hurt yourself. You cry. Et vous allez vous cogner, vous allez pleurer, vous allez sentir la douleur. The light comes. Mais quand la lumière vient, when the light came, quand la lumière est venue, she can see that, ah, elle a vu que, oh, non, je dois donner. I need to give. Je dois donner. Let me take the envelope. Oh, je let me take the envelope. Que je prenne l'enveloppe. And she went to take. She didn't even have money. Et elle n'avait même pas l'argent. Let me take it and see. Oh, que je dois prendre l'enveloppe. And then things change. Et les choses ont changé. That's what's lacking in our lives. C'est ce qui manque dans nos vies. That's what's lacking. C'est ce qui manque dans nos vies. The light of the word. La lumière de la parole. The light of the when Paul was Paul was praying for the people of Ephesians. Quand Paul priait pour le peuple d'Éphésiens. Hallelujah. D'Éphèse. Give them the spirit of understanding. Afin de les donner un esprit de compréhension. A spirit of revelation. Un esprit de révélation. That the eyes of their understanding will be open. Afin que les yeux de leur compréhension soient ouverts. Hallelujah. Amen. When your eyes of your understanding is closed. Quand les yeux de votre compréhension sont fermés, see. Vous ne pouvez pas voir. You can't see vous ne pouvez pas voir. You can't see. Vous ne pouvez pas voir. Your eyes open by walking in darkness. Vos yeux sont ouverts, mais vous marchez dans you les don't know what to do. Vous ne savez pas quoi faire. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Êtes-vous là? Today, start doing your time. À partir de maintenant, commencez à méditer la parole de Dieu. There'll be more light in your life. Il y aura plus de lumière dans vos vies. Let's abandon the way we read the Bible. Abandonnons la manière dont nous lisons la the Bible. The way you used to read the Bible, abandon it. La manière dont tu lisais avant, abandonne-la. Hallelujah. Amen. The simple steps. Les étapes simples. Can change your life. Peuvent changer votre vie. And that's what makes the word sweeter. Ça va rendre la parole sucrée. Hallelujah. Amen. You want to do it. Vous voulez faire. Because every day God is telling you something. Parce que tous les jours Dieu vous every dit quelque God chose. Every day God is adding a light into your life. Chaque jour Dieu ajoute une lumière à votre vie. We take the Bible, then we read, then we put it down. Okay, then you put it down. Finish. You are going. Quand vous prenez la Bible et puis vous lisez, ah ok, d'accord. Vous mettez. That is even better than if you don't read. Ça c'est même mieux que si vous ne lisez pas. If you just, that's okay. It's not. It's better than those don't read. C'est même mieux de ne pas lire. Because some people don't read at all. Parce que d'autres personnes ne lisent pas du tout. Donc c'est mieux même de lire. Hallelujah. Yeah, but if you go a little further. Donc si vous allez un peu plus. You read 1, 2, 3 minutes. You read. Vous lisez 1, 2, 3 minutes. Vous finissez de lire. Oh, let me take this verse. Donc vous dites, ok, laisse-moi prendre ce verset. And consider it deeply. Et vous pensez là-dessus profondément. Let me see what it needs. Laisse-moi voir qu'est-ce qu'il a intérieur. Hallelujah. The word of God is pregnant with a lot of things. La parole de Dieu est enceinte de beaucoup de choses. Like it's when you take a verse, there's a lot of things in. Donc c'est it's comme big. Quand vous prenez la parole, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. It's powerful. C'est puissant. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. Yeah. We miss a lot. Donc nous manquons beaucoup. We miss a lot. Nous manquons beaucoup. Next week we'll look at the effect. Dans la semaine prochaine, nous allons voir les effets. The effect of doing your part time. Les effets de faire le temps. When you do it, what happens? Quand vous le faites, qu'est-ce qui va se passer? Yeah. What happens? Qu'est-ce qui va se passer? That's one of the things that I'm sharing right now. Donc c'est l'une des choses que je partage. Have a lot of light. Vous allez avoir beaucoup de lumière. A lot of light in your life. De lumière dans vos vies. You understand. Vous comprenez. God will tell you about finances. Je vais vous parler God will tell you about relationships. Je vais vous parler des relations. Hallelujah. Amen. God will tell you about a lot of things. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Light. Vous allez avoir la lumière. Areas of your life. dans les You are not confused. Donc vous ne serez pas confus. You know what to do. Vous allez savoir quoi faire. Hallelujah. Amen. Are you here? Are you blessed? Êtes-vous béni? Stand to your feet. Levez-vous s'il vous plaît. Wow. Hallelujah. Amen. I want you to thank God. Je veux que nous puissions remercier Dieu. And pray Psalm 119 verse 108. Donc priez le verset 109. You can take your Bible. Psalm 119 verse 108. Psalm 119 verse 108. Take it. Psalm 109 verset 108. And I want you to pray it. Et je voudrais que nous puissions prier ce verset. It's a prayer. C'est une prière. Pray that God will open your eyes. Priez que Dieu ouvre nos yeux. That you will see a lot of things in the Bible. Afin que nous puissions voir beaucoup a de choses dans la Bible. In his word. Beaucoup de choses dans sa parole. Psalm 119 verse 108. Psalm 109 verset 108. Yeah. Psalm 119 verset 108. Can you read it? Verse 18. Verset 18. Verse 18, read it. Verset 18. Read it in French. Okay. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Hallelujah. Amen. Yeah. So let's begin to thank God and pray the verse. Donc commençons à remercier Dieu et prions ce verset. Pray the verse. God, open my eyes. Dieu, ouvre mes yeux. Open my eyes that I may behold wondrous things out of thy law, out of your word, out of the Bible. Open my eyes. Ouvre mes yeux. Open my eyes. Ouvre mes yeux. Thank you for your word. Merci pour ta parole. Thank you for meditation. Merci pour la méditation. Thank you for meditation. Merci pour la méditation. Thank you for the steps, Lord. Merci pour les étapes, Seigneur. Thank you for the steps, Lord. Merci pour les étapes, that Seigneur. Shows me how to do my quiet time. Tu me montres comment faire mon Lord, help me. Seigneur, aide-moi. And open my eyes. Et ouvre mes yeux. Open my eyes. Ouvre mes yeux. Give me more light. Donne-moi plus de lumière. More light. Plus de lumière. That I may see things. Afin que je vois les choses. I may see things. Afin que je vois des choses. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Out of your word. Parole. Out of the Bible. De ta open Bible. My eyes. Ouvre ma bouche. That I may yeux. Behold wondrous things. Afin que je vois ce from your word. In the name of Jesus au nom Christ. De Jésus. Open the eyes of my heart. Ouvre les yeux de mon cœur. Open the eyes of my understanding. Ouvre les yeux de ma compréhension. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. May I not be in darkness. Que je ne sois pas dans les ténèbres. May I have my eyes open. Que j'ai les yeux ouverts. To things that are hidden. Pour les choses qui sont cachées. Things that are hidden in your way. Les choses qui sont cachées dans ta parole. Lord, that I will see them. Afin que je les reçoive, Seigneur. That I will know them. Afin que je les connaisse, that Seigneur. I will practice them. Et que je les pratique, Seigneur. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. And add James chapter 1 verse 22. Et alors que Jacques chapitre 1 verset 22. Add James chapter 1 verse 22. Et ajoute Jacques chapitre 1 verset 22. And pray that God I will be a doer of your way. Et prie, Seigneur, je veux être un pratiquant de la parole. Aide-moi à pratiquer la help parole. Me to be a doer. Aide-moi à pratiquer la I parole. Don't want to hear only, je ne veux pas seulement écouter but la I parole. Want to do, je veux la pratiquer. As I do my quiet, alors que je fais mon temps de recueillement. Je vais la mettre en pratique. I'll be a doer of your je word. Vais être un pratiquant de la parole. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ. Help me to do it. Aide-moi à le faire. Help me to do it. Aide-moi à le faire. Help me, show me ways. Aide-moi, montre-moi les manières. Show me ways. Montre-moi des manières. To put your word into practice. Afin de mettre ta parole en pratique. To do them. Afin de pratiquer in my life, dans ma vie. May not be any situation in my life. Qu'il n'y ait aucune situation dans ma vie. That I don't know which words to use. Que je ne sache quelle parole utiliser. Mais que je sache. The word. La parole. To apply. Pour appliquer. In every situation in my life. Dans chaque situation. Toute situation in the dans name ma of vie, Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. May I know. Que je connaisse. May I know every. Je connaisse. A word, the word. La parole. That I can apply. Que je peux appliquer. To my life. In the name of Jesus au nom de Jésus. Lord, thank you. Seigneur, merci. Thank you. Merci, Seigneur. I bless you. Je te bénis, Seigneur. I give you glory. Je te donne toute la gloire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, thank you, Lord. Seigneur, merci. Broseleba, kelebro selebe. Thank you for this evening, Lord. Seigneur, thank you for your word. Help us, Lord. Help everyone, Lord. In the name of Jesus, Seigneur, au nom de Jésus. That we will do the quiet time. Que nous puissions faire notre temps de recueillement chaque jour. We will devote a time for you. Nous allons donner un temps in the name toi, of Jesus, au nom de Jésus. We bless you, Lord. Te bénissons, we Seigneur. Thank you, Lord. Te remercions, we Seigneur. Give you glory. Donnons la gloire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Shall we clap for the Lord? Pouvons-nous acclamer pour le Seigneur? Are you blessed? Êtes-vous béni? Yeah. Are you going to do it? Allez-vous pratiquer la parole? It's nice. C'est bon. Yeah. I like the part that you'll be looking for the meaning of the word. J'aime la partie où nous cherchons les définitions des mots. Yeah. Because sometimes you think you understand it. Parce que souvent vous croyez que vous comprenez. But when you begin to look for the meaning, alors que vous cherchez simple les définitions des mots simples, vous voyez que okay. Hallelujah. Amen. Yeah. And have a note. Note some of the meaning. Et vous devez avoir un bloc-notes pour noter Hallelujah. Les définitions. It'll help you. Ça va vous aider. Amen. Amen. Are you there? Yeah. I want to close your eyes. I want to pray for you. Alors que fermez les yeux, je vous ai prié pour. If you don't know God, si tu ne connais pas Jésus, you are not saved. Vous n'êtes pas sauvé. If Jesus comes today, si Jésus vient aujourd'hui, are you ready to go to heaven? Allez-vous aller au ciel? That's the question I'm asking you. La question que je Tonight, vous pose. If you are here like that, ce soir, si vous êtes ici, you don't know ça, God. Tu ne connais pas Dieu. You haven't received salvation. Tu n'as pas reçu le Jesus salut. Christ is not your savior. Jésus Christ n'est pas encore ton sauveur. But you receive the word. Et tu as reçu la parole. And you want to. Et tu veux. You want to say, Pastor, pray with me. Tu veux dire, Pasteur, prie. I need God. J'ai besoin de I want to give my life to Christ. Je veux donner ma vie I à want to be born again. Je veux être né de nouveau. If you are here like that, si vous êtes ici comme ça, I'm ready to pray with you. Je suis prêt à prier avec vous. To give your life to Christ. Donc, vous puissiez donner votre vie à Christ. If you are here like that, lift up your right hand. Vous êtes ici comme ça. I want to pray with you before we go. Je vais prier avec you vous. Say, Pastor, pray with me. Je veux dire, Pasteur, pray avec with moi. Me. Prie avec I want to give myself to God. Je veux me donner à Dieu. I want to give my life to God. Je veux donner ma vie I à want Dieu. To serve God. Je veux servir Dieu. In a personal, special way. Dans une manière personnelle et spéciale. If you are here, lift up your hands. I want to pray with you before votre we go. Main, je veux prier avec before we go. Avant que nous Father, we thank you. Viens te remercier. We bless you. Te bénissons. In the name of Au Jesus. Nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Tonight we want to do something special. Nous voulons faire quelque chose de spécial. Before we sit down. Avant que nous puissions nous asseoir. Yeah. If you don't pray in tongues, close your eyes. If you don't pray in tongues, count. I want to pray for you. Fermez vos yeux si vous ne savez pas comment prier en langue. Venez, je vais prier you avec don't pray in tongues, come. I want to just lay hand on you. Si vous ne priez pas en langue, je veux juste Tonight, vous poser les mains ce soir. Anoint you. Je veux vous soigner. God can get you tonight. Dieu peut vous bénir ce soir. If you don't pray in tongues, come. Maybe the last time we prayed with you, but you didn't receive it. Peut-être la dernière fois qu'on a prié ensemble, vous n'avez pas reçu. Come, I'll pray with you. Venez, je vais prier avec vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we bless you. Et on te bénisse. We bless you. Te bénissons. Yeah. God wants to give you the gift. Dieu veut te donner le don. To speaking in tongues. De parler en langue. We've talked a lot about how important it is. Nous avons parlé de à quel point c'est important. Yeah, it's important for you as a Christian. C'est important pour toi en tant que chrétien. And if you believe, et si tu crois, you can receive. Tu peux recevoir. And you can speak. Tu peux parler. The Holy Spirit will anoint you. Saint-Esprit va vous soigner. The Holy Spirit will baptize you. Saint-Esprit va vous baptiser. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we bless you. Viens te bénissons. We give you glory. Donnons la gloire. We give you the glory. Donnons la gloire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Those who are in front, I want to say this prayer. Devant, j'aimerais que vous puissiez dire cette prière. Father, Seigneur, everybody say it, Father, tout le monde dit Seigneur, I thank you. Je te remercie. This evening, ce soir, I believe, je crois, I can receive, je peux recevoir. Because he said, anybody who asks the Holy Spirit, parce qu'il a dit que chaque personne qui va demander le Saint-Esprit, you will give, tu vas donner. And tonight, et ce soir, I'm ready, je suis prêt, to receive, à recevoir, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, from you, de toi. Thank you. Merci. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Continue to thank God. Thank him. Continue à remercier Dieu. Thank Remercie-le. Remercie-le. That you receive it. Et tu vas recevoir. That you have received it. Recevoir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, thank you. Seigneur, merci. Father, bless you. Seigneur, je te bénis. Lord, baptize. Seigneur, baptise. Lord, anoint. Seigneur, oint. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. With your spirit. Avec ton Saint-Esprit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We thank you, Lord. Oh, te remercie. Thank you, Lord. Te remercions. Thank you, Lord. Te remercions. For the gift. Pour le don. Of speaking in tongues. Parler en langue. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank God. For that you Merci, receive Seigneur. It. Remercie Dieu. And remercie believe Dieu. God to speak. Et crois que tu vas parler. Believe God to speak. Crois en Dieu afin In the name of Jesus Christ. Holy. Lord, Lord, anoint, Lord. Seigneur, Lord, give, Lord, in oh, the Seigneur, name donne, of Jesus. Oh, Calambro. I want you to ask God. Ask him. J'aimerais que tu demandes à Dieu. Ask him. Demande-lui. Ask him. Demande-lui. That you need it. Que tu as besoin de ça. That you need it. Tu as besoin de ça. That you want it. Que tu as besoin that de ça. That you desire it. Que tu désires you cela. It. Que tu le désires. You want it. Ask him. Demande-lui. Open your mouth and ask him. Ouvre ta bouche et he will give you. Il va te le donner. He will anoint you. Il va te oindre. He will anoint you. Il va te oindre. You will receive it. Tu vas recevoir and cela. You will speak it. Et tu vas le parler. A language. Une langue. Of the Spirit. Une langue de l'esprit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord give. Seigneur va te Lord donner. Lord give. Seigneur donne. Lord anoint. Seigneur oindre. Lord descend. Seigneur. Descend. With your power. With your power, in the name of Jesus Christ, au nom de Jésus. In the name of Jesus, au nom de Jésus. All anointed, bro, celebe, celebro, celeba, calabro, celeba, celebaba, Lord, fill the man in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Ikelema bro, celebaba, calamabro, celebe, celebe, yetelebro, celebe, celebro, celebaba, kemabalamaba, yekelema bro, celebaba, kamabalamaba, kamabalamaba. Oh, receive the power. Receive the language. Receive the tongues. Receive the river. May the river flow from your belly. Oh, as tongue, as stammering tongue, as stammering tongues, in the name of Jesus Christ. Ikele ma bros tele bebe, kele ma bros tele ma mala baba. Ikele ma bros tele bebe, kebele bebe, kebele bebe. Ikele bros tele bebe, kele bros tele baba, kele shambo. Ikele ma bros tele ma mala baba, kama mala baba. Ikele ma mala baba, kama mala baba, kama mala baba. Yekele ma bros tele ma ba kama ba la ba ba kama ba la ba ba. Ole bos tele be kele bros tele ba kala bros tele ba ba la ba ba. Yekele ma ba la ba ba kama ba la ba ba kama ba la ba ba kama ba la ba ba. Yekele ma bros tele ba ba kama ba la ba ba kama ba la ba ba. Oh Lord, give her the utterance, Lord. Give her the utterance. Fill her mouth, Lord. Oh, with thunder from heaven in the name of Jesus. Ikele bros tele baba kele shambros tele bebe bebe. Ikele ma bros tele bebe kebe bebe bebe kebe bebe bebe. Ikele bros tele kala bros tele bebe tele bebe saba. Oh, le bros teleba, calabros teleba, calabros teleba. Ye kele ma bros teleba, calabros teleba, balala baba. Ye kele bebe bebe, kebe bebe bebe, kebe bebe bebe, kebe bebe bebe. Oh, le bros teleba, kele bros teleba, kele bros teleba baba. Antele ma bros telebe, bebe bebe, kebe bebe bebe, kebe bebe bebe. Oh, begin to thank God, thank God. Oh, Father, we bless you, Lord. Father, anoint them, Lord. Father, give them the gift, Lord. The gift of speaking in tongues in the name of Jesus. The gift of the Holy Spirit. Oh, les bros, c'est les babas, c'est les chambos, c'est les babas. Ikele ma bros tele ba kala bros tele bebe bebe. Ikele ma bros tele ba bala baba kama bala baba. Oh Lord, we bless you. Father, we thank you. Father, we give you glory. In the name of Jesus, Father, thank you. I bless you for the gift. Je te bénis pour le don. In the name of Jesus. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à BNP